Chapitre 18. Suggestion. Allô, qu'est-ce que c'est ? Parlez. De l'Uversy, bon. Ici Neuilly, mademoiselle. Oui, Neuilly. Eh bien. Oui, la comtesse de Praz. C'est moi. On n'entend rien ce matin. Qui me parle ? Heurtebois, n'est-ce pas ? Mais enfin, qu'est-ce que vous avez, Heurtebois ? Un malheur ? Quel malheur ? Je n'entends rien. Parlez tranquillement, pour l'amour de Dieu. Quoi ? Cambriolé ? On a cambriolé cette nuit le château ? Vous avez entendu du bruit et vous vous êtes levé ? Bon, et alors ? Au rez-de-chaussée ? Oui, je vous suis. Dans la salle de billard ? À quelle heure ? Minuit passé. Et alors ? Personne. Mais vous aviez bien une lumière quelconque ? Ah, une lanterne. On l'a fait tomber. Quelqu'un qui était caché sous le billard ? Vous croyez ? Dans les ténèbres, oui. Et puis, vos rhumatismes, bien sûr, bien sûr. Enfin, en résumé, le voleur vous a échappé et vous ne l'avez pas vu. C'est ça, n'est-ce pas ? Soyez clair, Heurtebois, et ne gémissez pas tant. Que voulez-vous ? Ce n'est pas votre faute. Mais oui, mon brave Heurtebois, mais oui. Ah, il n'a pas eu le temps de cambrioler ? Peu de choses. Mais quoi, enfin ? Vous avez rallumé votre lanterne ? Oui, ça m'est égal. Que dites-vous ? Ce matin, dès l'aube, quoi ? Tout inspecté ? Ça m'est égal, je vous dis. Qu'est-ce qu'il a soustrait ? Un petit tableau dans la salle de billard ? Au-dessus de la console ? Le cadre est resté vide ? Non, non, Heurtebois. Malheureusement, le cadre n'a aucune valeur. C'est la peinture qui en a. Il paraît que c'est d'un artiste célèbre. Nous n'y pouvons rien. Déposer une plainte, je m'en occuperai. Ne vous faites pas de mauvais sang. Naturellement, ça aurait pu être beaucoup plus grave. On n'a volé rien d'autre. Vous en êtes certain ? Bon. Mais non, je vous répète que le cadre n'a aucune valeur. Heurtebois. Bien sûr, beaucoup plus facile à emporter. Ne coupez pas, mademoiselle, nous causons. Mais ne coupez donc pas. Oui, Neuilly, c'est vous, Heurtebois. Eh, ne sonnez pas comme cela, mademoiselle, vous me rompez les oreilles. Allô ? Parfaitement, la comtesse de Praz. À qui ai-je l'honneur ? Monsieur Jean Mareuil ? Bonjour, cher monsieur, comment vous êtes matinal ? Oh non, vous ne me dérangez pas du tout. Il est 8h20 et je suis levée depuis longtemps. Quoi donc ? Vous m'intriguez. Voyons ce prodige. Qu'est-ce que vous me racontez là ? Non. Le tableau de Manet était sur votre table de chevet. Vous l'avez aperçu à votre réveil. C'est inimaginable, allons. Ah ça, je puis vous assurer que non. Ce n'est ni Gilberte, ni Lionel, ni moi qui vous l'avons fait porter. Et puis, comment notre messager se serait-il introduit chez vous, la nuit, pour vous faire cette surprise ? Vous n'y pensez pas ? D'ailleurs, Heurtebois, le régisseur de l'Uversy, vient de me téléphoner. Vers minuit, un inconnu a pénétré dans le château pour voler le manet. Non, nous ne savons pas s'il avait l'intention de voler autre chose. Heurtebois l'a surpris, mais le voleur s'est esquivé avec le manet. Oh, je vous en supplie, cher monsieur, ne vous excusez pas. Vous avez tenu à me téléphoner sans perdre un instant, vous ne pouviez rien faire de plus et je vous en remercie. » Certes, c'est une aventure prodigieuse. Ne vous en contrariez pas, cela n'en vaut pas la peine. L'essentiel est que le tableau soit retrouvé. Qui ? Pourquoi ? Ah, je voudrais bien le savoir. Non, moi, je n'ai aucune idée. Et vous, rien ? Mais cela ne presse pas, vous avez bien le temps de me le rapporter. Puisque vous insistez, je vous recevrai tout à l'heure avec le plus grand plaisir. Ah oui, n'est-ce pas ? Mais dites, voilà une belle occasion d'exercer votre sagacité, vous, l'homme des lampes et des clés. Et pourquoi ce ton mélancolique ? Vous ai-je froissé ? Non ? À la bonne heure. C'est entendu. Au revoir, cher monsieur. À tout de suite. Madame de Prase, ayant raccroché très doucement la poignée d'ébonite qui portait une bouche noire et une oreille argentée, resta quelques secondes à goûter la jubilation de son cœur et à caresser d'une main machinale ce téléphone qui lui était si propice. Assise à son secrétaire empire, elle en fixait sans la voir une garniture de bronze doré qui reluisait. Lionel entra soucieux, tenant une carte automatique. « C'est assommant, dit-il. Figurez-vous que je vais être obligé de reprendre mes factions devant l'hôtel de Jean Mareuil. Aubry m'envoie ça. Lisez. » Madame de Prase prit connaissance du pneumatique. « Monsieur le comte, Freddy n'est pas venu au bar cette nuit. Je ne sais pas s'il est sorti de chez lui. C'est regrettable. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait recommencer à surveiller l'avenue du Bois pendant que moi, je continuerai à m'occuper de la coterie ? Veuillez agréer mes salutations bien dévouées. Tournons. » Pour toute réponse, Madame de Prase offrit à Lionel le spectacle de son visage effacé, muet, énigmatique, où la satisfaction éclatait peu à peu. « Quoi ? » fit Lionel avec mauvaise humeur. « Ne t'énerve pas, mon grand, ou je me trompe fort, ou nous touchons au but. » « Comment cela ? » Cette nuit, si Freddy n'était pas au bas, c'est qu'il faisait un petit voyage. Il s'est rendu à Luversy pour voler le manet. Et ce matin, il a trouvé, à sa grande surprise, sur sa table de chevet, lorsqu'il s'est réveillé sous la personnalité de Jean Mareuil. Pas possible, ce manet qu'il admirait tant hier après-midi. Oui, comprends-tu maintenant pourquoi nous sommes au bout de nos peines ? Pas très bien. « Voyons, Lionel, notre homme est un voleur. À présent, c'est un fait acquis. Mais ce qui est beaucoup plus précieux, eh bien, c'est que Freddy la couleur se souvient parfois avec la mémoire de Jean Mareuil, puisque Freddy a volé un tableau qui faisait envie à Jean Mareuil. Pourquoi Freddy a-t-il cambriolé Luversy ? Parce que, hier, Jean Mareuil a pu se rendre compte non seulement de l'existence du manet, mais encore de la topographie des lieux et des moyens de s'introduire dans le château. Ces moyens, dit Lionel, Freddy pouvait les connaître auparavant, les retrouver dans sa propre mémoire, puisqu'à n'en pas douter, il est venu autrefois à Luversy. L'incident de la source en fait foi. Exact, et l'incident de la source prouve de plus que Jean Mareuil se souvient parfois avec la mémoire de Freddy la couleuvre. Par ailleurs, le manet ne se trouvait pas en vue au moment de la mort de ta tante, au moment où Freddy a pu venir au château, comme tu le supposes. Le manet était alors au grenier, perdu dans un tas de vieilleries. Je suis donc certaine que les yeux de Jean Mareuil l'ont aperçu hier pour la première fois, alors que Jean Mareuil constituait nettement le gentleman Jean Mareuil et non l'apache Freddy qui a volé le tableau. Alors, il va venir, je l'attends. Il veut me rapporter lui-même cette toile dont la possession le remplit de stupeur. C'est le moment d'agir, de préparer. N'achevez pas, dit Lionel, transporté d'une joie soudaine. J'ai compris. Ici, chuchota Madame de Prase, ce sera plus commode, à cause de Gilberte. Le timbre de l'entrée retentit. Lionel écouta, l'oreille à la porte. « C'est lui, » dit-il. Il fit vers sa mère un geste de décision, ouvrit franchement la porte et s'avança dans le vestibule à la rencontre de Jean Mareuil, que le valet de chambre se disposait à introduire dans le salon. « Eh, cher ami, bonjour donc, vous êtes trop gentil de vous déranger. Ma mère m'a raconté ce conte de fées. C'est incroyable. Entrez donc ici, mon cher, nous serons mieux pour causer de votre énigme. Cette pièce est plus discrète. » Il le fit entrer dans le cabinet de travail de Madame de Prades, où celle-ci, appuyée au coffre-fort, attendait la suite des événements. Jean Mareuil, toujours vêtu avec une sobre élégance et plus joli homme que jamais, lui baisa la main. « Voici le manet, dit-il, je vous le restitue, chère madame. » « Pas pour longtemps, répliqua Madame de Prades en souriant. Il appartient à Gilberte, et bientôt, ce qui est à Gilberte sera vôtre. » Le jeune homme eut une expression charmante d'excuses et de galanterie. Mais toujours, sa pensée semblait vagabonder loin de son corps, en des régions mystérieuses et par des voies pénibles. « Eh bien, fit-il en se tournant vers Lionel, que pensez-vous de cela ? Moi, j'ai beau me creuser la cervelle, je n'y comprends rien. » « Moi non plus. » « Car enfin, reprit Jean Mareuil, le farceur qui nous a joué ce tour savait que le manet avait attiré mon attention hier à l'Uversy. Or, nous y étions seuls tous les quatre. Il faudrait donc supposer qu'on nous épillait ?»« C'est ce que l'enquête révélera, dit Lionel. Je crois qu'il faudrait avertir la police sans délai. Que voulez-vous ? Farce ou non, c'est un vol. » Évidemment, approuva Madame de Prades. D'accord, fit mollement le pauvre garçon qui poursuivait sans relâche ses obscures recherches. Mais pourtant, ne vaudrait-il pas mieux cacher à Gilberte un fait qui ne peut que l'impressionner vivement et lui redonner sujet de craindre le séjour de l'Uversy ? Madame de Prades, qui, au fond, était bien décidée à ne pas porter plainte, fit semblant de se rallier à l'opinion de Jean Mareuil. « Enfin, nous verrons, coupa Lionel. C'est une décision qui demande qu'on y réfléchisse. Mais ce qui ne fait pas de doute, maman, c'est que vous devez, d'urgence, vous prémunir contre tous les ennuis qui peuvent résulter du vol en général. Mon cher, ma mère est extraordinaire. » Jusqu'ici, elle a toujours été persuadée qu'on ne la volerait jamais. C'est d'une imprudence qui n'a pas de nom. » Madame de Prades, sans s'étonner de telles paroles, en attendait la suite et laissait Lionel poursuivre son discours. Il continua. « Songez donc que, dans ce coffre, elle garde pour plus d'un million de titres, que ces titres sont au porteur, qu'elle n'en a même pas inscrit les numéros sur un carnet quelconque. » Et qu'elle n'est pas assurée contre le vol. » En effet, reconnut Jean Mareuil. Un million de titres au porteur, là-dedans, scandait Lionel en tapant sur le coffre-fort. Si ça n'est pas fou! Et qu'est-ce que c'est qu'un coffre-fort comme celui-ci pour un cambrioleur un peu dégourdi? Je vous le demande. Avec un chalumeau, on éventre ça en une demi-heure, pas même. Et voilà un cabinet de travail qui semble fait exprès pour qu'on n'y soit pas dérangé. Personne, entendez-vous, personne ne couche au rez-de-chaussée. Les murs sont épais, sourds, enfin c'est le rêve. Quand j'y pense, moi, j'en frémis. Or, s'il vous plaît, considérez que c'est un vrai jeu d'entrer dans l'hôtel. Tenez, mon cher, voyez donc. Si, si, venez, rendez-vous compte. Vous comprenez, il faut absolument que ma mère se décide à prendre des précautions et vous m'aiderez à la convaincre. Venez. » Il ouvrit sur le vestibule la porte du cabinet. Cette porte n'est jamais fermée à clé. Je crois même que la clé en est perdue. Quant à la porte vitrée du perron, vous allez rire. Oui, c'est entendu, elle ferme à clé et on enlève la clé tous les soirs. Mais il y a un truc. Je le connais parce que, autrefois, quand j'étais collégien, on ne me permettait pas de sortir la nuit. Alors, il fallait bien se débrouiller, n'est-ce pas ? Jean Mareuil et Madame de Prase l'avaient accompagné jusqu'au seuil du vestibule, au haut du perron. Ils le virent exercer, de l'extérieur, une certaine poussée sur le châssis vitré. Les peines trop courtes sautèrent de leur gâche. La porte s'ouvrit. « Pas plus malin que ça. Je vous prends à témoin. Essayez vous-même. Si, essayez, que ma mère voit bien comme c'est facile. » Jean Mareuil, s'étant prêté aux caprices de Lionel, répéta la manœuvre. Pour entrer dans la cour, compléta l'étrange cicérone, il est indispensable de faire un peu de gymnastique. Mais vraiment, quel est le cambrioleur qui ne saurait pas franchir une grille, en somme, assez basse? Rue déserte, presque champêtre. Pas de chien de garde. Un concierge ronfleur, je le sais mieux que personne. Je vous dis que c'est l'enfance de l'art. Et si ma bonne maman ne change pas sa manière de faire, un beau matin, elle trouvera son coffre ouvert et ses valeurs enlevées par un porteur sans vergogne. Mais Madame de Prase aperçut tout à coup le point faible de la suggestion et, pour y parer, elle ne craignit pas de commettre un mensonge. « Tu as raison, dit-elle, mais que M. Jean Mareuil n'aille pas croire que ses valeurs sont à Gilberte. Elles constituent ma fortune personnelle, monsieur. » Et c'est pourquoi je n'ai pas cru devoir les déposer en banque. Le bien d'autrui me serait plus précieux. » Jean Mareuil leva la main pour protester de son détachement à cet égard. « Il est vrai, reprit Madame de Prase, que je n'ai jamais craint les voleurs. L'aventure de cette nuit me donne à réfléchir. Écoute, Lionel, j'ai rendez-vous demain matin avec mon banquier. Si tu veux, nous lui porterons tous ses titres. » « Demain matin, entendu, je note. » Il prit son calepin et nota, en répétant très nettement, « demain matin, portez titre chez banquier. Ainsi, demain matin, ce million ne sera plus ici. Enfin, j'ai gagné ma journée, moi, et je bénis le cambrioleur de Luversy qui a provoqué cette heureuse résolution. » « Voilà Gilberte, dit Madame de Prase, je l'entends descendre. » « Nous ne lui disons rien à propos du manet, demanda Lionel. « Cela vaudrait mieux, opina Jean Mareuil, sans témoigner cette fois plus de soucis. » Madame de Prase fit disparaître le petit tableau dans le tiroir du secrétaire Empire. Gilberte entrait. « Comment, vous êtes là, Jean ? S'écria-t-elle. « Je ne vous ai pas vu traverser la cour. » « mon cœur, n'as-tu donc plus d'oreilles ? Bonjour, tante. Bonjour, toi. Je sortais. Venez-vous avec moi, Jean. Vous parliez d'affaires, bien sûr. Ça, ce n'est pas mon rayon. Allons, vous venez ?»« Je vous suis, dit Jean Mareuil. » Quand ils furent sortis, « Bravo, bravo, mon grand !» dit Madame de Prase enthousiasmée. « C'est bien joué. Mais tu n'avais pas réfléchi. Des titres appartenant à Gilberte, quel intérêt cela pouvait-il avoir pour son fiancé ? Eh, maman, c'est que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour combiner la machination. En réalité, les valeurs du coffre, qu'est-ce que c'est ? Des titres nominatifs au nom de Gilberte. Lionel se mit à rire. Heureusement qu'il n'ira pas jusqu'au bout de son effraction. Nous l'arrêterons à temps. Et il ne saura jamais que nous l'avons trompé. Non, jamais, triompha Madame de Prase. Quand il mettra le nez dans les comptes de Gilberte, celui-là, les poules auront des dents. Mais Lionel songeait et objecta. À moins que notre combinaison ne rate. Auquel cas, il faudra bien se rabattre sur mon idée à moi et remonter au drame de Luversy. Nous serons bientôt fixés, puisque c'est pour ce soir, dit Madame de Prase. Tu as assez insisté sur le fait que, demain matin, les valeurs ne seront plus dans le coffre. Satisfait jusqu'à l'allégresse, Lionel marchait de long en large, donnant au passage des claques amicales à cet excellent coffre dont le contenu lui appartiendrait un jour prochain. Tout va bien, disait-il une voix basse, étranglée de contentement. « Mais il faut que je voie au bris. Tout cela doit être monté en détail, avec soin, comme une attaque de tranchée. et c'est pour ce soir. Moi, je me charge de Gilberte. Bien entendu, maman, mais vous ne devez lui parler qu'à l'heure H. Il y a une certaine question de temps à régler. Si cela marche, les événements vont galoper. Agir à coup sûr et très rapidement, c'est indispensable. Causons. Causons, dit madame de Praz.